Philippe Lamarche et le complice de toujours, hein, c'est le petit frère Charlie. Yes, salut mon frère. Salut toi-même. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Hey, on a la semaine passée, on avait une ambiance cool. Là, aujourd'hui, on aurait dit Radio-Canada au Café du Monde. Oui, ben là, c'est ça. En plus, on est installé, là, je dois admettre, là, personnellement, là, je suis bien évaché là, dans le divan. On est installé ni dehors ni en dedans. On est dans la verrière, alors ça fait quand même une petite ambiance feutrée, puis on n'a pas la fraîcheur de l'extérieur. Puis en plus, on a une invitée qui peut prendre une bière avec nous autres à soir. Oui, mais là, Charlie, comme tu me l'as reproché à peu près à toutes les dernières émissions, que j'ai une entrée en matière qui est beaucoup trop rapide, que j'attaque chaque personne qui vient d'arriver, alors aujourd'hui, on va essayer de faire ça un peu différent. Écoute, on peut essayer de donner un petit peu des indices, puisque personne ne sait. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, toi, comme indice? Portée numéro 1. Portée numéro 1. Oh. Gagner une Coupe Vanille en 1999. Oh. Alors, ce n'est pas Dwayne John. C'est pas Dwayne John. Il est coach pareil. Il est coach. Il est coach avec Garneau. Oh, ben là, ça élimine du monde à la tabarouette, là. C'est facile. Alain Mengui est pas mal trop vieux. OK, il en reste. Ouais, il a pas porté le numéro 1, puis il est pas mal plus gros, Frank Boivin, mais il nous reste une personne. Et écoute, c'est simple. On accueille aujourd'hui Pat Bois. Alors, bonjour, Pat. Bonjour, les boys. Ah, bonjour. Bonsoir, plutôt. Pas trop intimidé par le micro, Pat? Non, on s'habitue. On le met petit, en plus. Hein. C'est pour ça qu'on le garde comme ça. Là. Il est tout petit, sympathique. Good. Aimes-tu notre petite ambiance feutrée? Non, c'est super sympathique. C'est très plaisant. Sauf en fin de journée comme ça, après deux heures sur le terrain. C'est vrai qu'il y a de l'abus, moi, je trouve. Sérieux, là. Ouais, c'est presque de l'abus. On peut réussir à être alerte, là. Mais là, c'est comme plus... plus tranquille. Puis comme Charlie le disait tantôt, ben c'est notre premier invité qui accepte de boire une petite bière avec nous. Donc ça aussi, ça fait du bien. Enfin, on ne se sent pas tout seul un peu à être relax ce soir. C'est le fun. Exactement. Charlie? Yes. On en parlait un peu de notre invité. Un ancien du Rouge et Or, un ancien maraudeur. Pat, bien content de t'avoir avec nous autres, première des choses. T'es arrivé à Laval en 97. Exact. C'est ça. Reparti en 2001 avec une grosse roche au doigt en 99. Ton stage au Rouge et Or, comment ça s'est passé? Comment t'as trouvé ça? Non, c'est sûr, ça a été dans 5 années que je suis qualifié dans les plus belles de ma vie. Là. C'est sûr que j'oublierai jamais mon séjour à l'université et mon séjour avec le Rouge et Or. Ouais, vas-y. Oui, non, je veux pas. Ce que j'allais dire, c'est que dans le fond, maintenant, j'imagine que tu dois t'en rendre compte avec le recul. Tu fais peut-être partie un peu des bâtisseurs, ceux qui ont réussi à monter le Rouge et Or au niveau auquel c'est rendu maintenant. Là. Mais je pense qu'on on le voit pas nécessairement comme ça. On voit, tu sais, qu'on a aidé à bâtir la tradition, puis on est fiers d'y avoir pris part. Là, mais bâtisseur en tant que tel, tu sais, je pense que c'est un gros mot. Il y a beaucoup de monde qui ont pris part à créer le programme, dont les coachs, dont les. Monsieur Tanguy, puis tous les joueurs qui ont passé à travers. Donc, je pense que c'est le travail de beaucoup de personnes. Le travail, mais c'est sûr que maintenant, les gens vont toujours se rappeler, entre autres, de la première édition de l'Université Laval, à avoir gagné la Coupe Vanier. Puis t'es chanceux, tu fais partie de ceux-là. Oh, c'est sûr qu'on va toujours être fiers de ce qu'on a accompli, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça avait été toute une année, ça. L'année 99, là. Tu t'en souviens-tu encore ou bien vous l'avez trop fêté après puis t'as brûlé tout ça? Non, mais tu sais, je pense que c'est l'année où ce qu'on on a vraiment pris confiance en nos moyens puis on s'est rendu compte de tout ce qu'on pouvait réussir là, comme équipe. Là. T'es passé proche un peu en 98 en perdant là, le Dark Bowl, là, parce qu'on a fini une game le lendemain. J'espère, je ne souhaite jamais de vivre ça à personne. Et si bon, non? Même, je me disais, juste comme spectateur, là, ça a été une de mes plus grandes frustrations à vie. Ça se termine, tu quittes en autobus, puis tu sais pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain, puis tu l'apprends par les nouvelles. C'était pas facile. Surtout quand t'as le momentum le soir avant, puis là, le lendemain, t'es à l'hôtel, t'es tout bloqué, puis tu recommences une game le lendemain, tu sais, c'est... Je pense que je vais toujours me souvenir de Mathieu Brassard qui était pas capable de mettre son équipement et qui a pas pu jouer le lendemain. Il était juste comme trop magané. Là, hey, c'est. Garde une game de série. Déjà, là, une game de football, c'est déjà dur sur le corps. Imagine une game de série, puis là, faut que tu retournes sur le terrain le lendemain matin. Là. Garde, je joue encore là, avec les Monarques, là, puis moi, j'en ai pour 2 jours après ça à marcher tout croche. Là. Non, c'est totalement imbécile comme concept. Là. Depuis ce temps-là, ils ont changé le règlement d'ailleurs. Ah oui, ben c'est sûr, parce que ça n'a pas de sens, là. Regarde, déjà là, les gars du Rouge et Or vont embarquer sur le terrain vendredi, ils ont joué dimanche. c'est déjà très peu de repos pour recommencer un autre game. Fait qu'imagine jouer le lendemain, là, c'était rock'n'roll. Mais tu dis qu'ils ont changé les règlements. Ils l'ont changé de quelle façon? Ils commencent, surtout les games qui sont télévisés doivent commencer une heure ou deux avant. Là. Si pour exemple, une game c'est à Concordia, étant donné qu'il n'y a pas de lumière, ils peuvent plus la commencer à une heure. Ils doivent la commencer à midi. À midi, absolument. Pour être sûr qu'il n'y a plus de problème. Puis depuis ce temps-là, les prolongations, c'est des formats shootout. Okay. Dans le passé, c'était... À ligne de 35, là. Les shootouts, c'est à ligne de 35. Chacun a une chance de marquer. Puis... Non, c'est ça présentement, mais dans le temps de passé, c'était comme il y avait comme une demi-chaque de 5 minutes. Après, ouais. C'est plus un sun and death. Ouais, effectivement. Puis, dis-moi, de ton passage à l'Université Laval, à part la Coupe Vanier, qu'est-ce que tu retiens de ces années-là passées en beaux souvenirs? On en retient beaucoup de choses. C'est sûr que c'est dur de pointer un événement tel, là, mais tu sais, tellement de mise à part la première année là, qui était très frustrante, surtout que moi je venais d'une équipe qui avait gagné deux bols d'or, puis on en deux bols d'or en trois ans, la troisième année on avait perdu en finale une game 31-28 contre Dieu, donc arriver dans une équipe à avoir une saison perdante à ta première année, ça, j'ai trouvé ça dur. Surtout que, tu sais, t'avais des gars qui venaient un peu partout. Puis c'est pas tout le monde qui avait la mentalité de, mettons, que nous, on avait adhéré à l'ENOX. Ça, ça a été dur au début. Mais après ça, une fois que tous les gars des programmes comme de vieux, de l'ENOX, les gars qui avaient plus des mentalités de gagnant sont arrivés, mais ça, on a vu que les choses ont escaladé à partir de ce moment-là. Ça a donné un solide coup de main à partir de là. Ouais, exact. Qu'est-ce qui, justement, regarde, t'arrives en 97, écoute, c'est pas comme si t'arrivais en 2007, là, où est-ce que le Rouge et Or a une renommée, le Rouge et Or est connu partout. T'arrives, là, il y avait 80... pas de gars qui venait à Laval pour venir porter le chandail de Nike dans le temps, Non, ouais, effectivement. Regarde, t'arrives d'un programme gagnant, t'arrives de l'Enox, t'es un gars de Montréal. Qu'est-ce qui te pousse à venir à Laval à ce moment-là, en 97? Tu vois, moi, pas beaucoup de monde qui savent ça. L'année précédente, j'avais comme fait 2 ans dans le midget. Donc, ma première année collégiale, je jouais civil, j'avais commencé le foot à 15 ans, j'avais commencé tard, donc j'avais besoin de faire une année midget à ma première année collégiale pour me développer comme joueur. Puis l'année d'après, j'étais allé, donc j'ai comme fait 3 ans et demi de cégep, mais après ma deuxième saison à l'Enox, j'étais supposé aller à l'Université Bishops, j'avais commit là-bas. Ah ouais. Puis j'avais une couple d'équipes qui étaient intéressées au niveau de la NCAA. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de comme... me canceller, mettons, mon commitment à Bishops. Il me restait comme un cours fin de deck. Puis j'étais à temps plein à l'Université Bishop en même temps que je faisais ma dernière saison. Oh boy! Puis finalement, tu sais, ça n'a pas fonctionné. Une équipe qui avait comme promis quelque chose, mais ils n'ont pas backé. Fait que après ça, pendant l'été, j'avais hésité tard. Là. J'ai hésité jusqu'au mois de début juillet avant entre Laval puis Concordia l'année suivante. PNCA, qui te courait après de même? C'était Northeastern en Dion 2A qui m'avait comme promis quelque chose verbalement. Puis l'année d'après, ben, ils ont dit que finalement il n'y avait pas besoin de demi-défensif. Puis c'est blablabla. Comme... T'as-tu toujours joué comme maraudeur? Ma dernière année à l'ENOC, j'avais joué comme demi-coin. Ma première année à Laval aussi. Oui, c'est j'avais vrai. J'avais une super bonne année. Puis l'année d'après, Ben Mela, j'étais pas éligible. Fait qu'ils ont décidé de transférer Bernard Gravel à la position de Sam Backer. Fait qu'ils m'ont dit une semaine avant le camp que je retournais safety. Au début, j'étais frustré parce que je commençais à être à l'aise comme demi-coin. Mais finalement, je pense que je m'en suis bien sorti après. Ah oui, certains, je regardais justement les images. Je les ai mis encore sur le forum, sur YouTube, de la Coupe Dunsmore contre McGill en 2001, je crois. Où est-ce qu'il neigeait terrible, puis Guido Visser était venu faire du ski de fond sur le terrain à la fin du match. Malheureusement, l'année où est-ce que Laval a dû perdre tous ses matchs à cause de l'éligibilité, là. Mais... Dans notre cœur, on les a pas perdus ces matchs-là. Non, certain. Fait que, écoute, t'avais des chances de venir NCAA, tu pouvais t'en aller aussi à Bishop, puis tu te retrouves à Laval. Mais j'avais été l'année d'avant j'avais été recruté par Glenn, puis je connaissais Glenn d'un passage, j'avais fait deux ans avec l'équipe du Québec, puis j'étais super à l'aise avec le gars en tant que coach. Puis durant l'été, mais il y avait finalement, c'était dur pour moi de partir de Montréal. Tu sais, quand t'as 19-20 ans, puis tu vis, tu passes ton été à Sainte-Cathe, puis tu commences à vivre la vie d'adulte. Mais c'est sûr que c'est plaisant, mais tu sais, c'était de je voyais quelque chose de spécial dans la façon que Jacques puis Glenn voulaient bâtir le programme, puis c'est ça qui m'a convaincu, là. J'ai passé par-dessus mes craintes personnelles un petit peu de sortir. Donc, j'avais déjà été à Lennox pendant trois saisons. J'ai juste fait une année complète à Bishop. Je revenais toujours l'hiver pour étudier à Saint-Lambert puis rester dans le confort de mes parents. Donc, de partir à temps plein puis de vivre une expérience différente, changer de la grosse ville. Mais au début, j'avais des craintes. Mais finalement, je ne regrette pas mon choix. L'après Rouge et Or, pour toi, qu'est-ce qui s'est... on le sait maintenant, t'es rendu coach. Comment ça s'est développé un peu? T'as étudié en intervention sportive. Comment ça a été après ça, l'après Rouge et Or? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé, mais j'avais déjà décidé en sortant, comme j'avais... Après l'ENOC, j'avais été beaucoup influencé par Tony Adona qui coachait là-bas. Après avoir vécu, travaillé pendant trois ans avec cet homme-là, je me suis dit, moi, avec, que je voulais faire ce que je voulais apporter aux gens, ce que lui m'avait apporté. C'est pour ça que j'ai étudié en intervention sportive à Laval. Puis par la suite, en 2000, l'été après la Coupe Vanier, Glenn m'a mis en contact avec Richard Jolicoeur, dans sa coach au Dragon à Saint-Georges. Puis lui, il partait l'équipe des moins 19 ans, Québec, Chaudière-Appalaches, au Challenge Wilson. Puis Richard voulait que je l'aide, donc j'étais comme co-coordinateur défensif la première année. On a gagné le Challenge Wilson. Puis par la suite, j'ai été coordinateur défensif les trois dernières saisons avant que je commence à vraiment coacher à temps plein. Donc j'ai pris des galons à ce niveau-là. Puis c'est Glenn qui m'avait comme mis en contact avec Richard. Après que j'ai gradué en 2001, en 2002, j'ai été engagé au Cégep Beauce-Appalaches comme coordinateur défensif. J'avais un poste comme temps partiel, mais je mettais... du 80-100 heures semaine, pareil, tu sais, je faisais, sauf que, tu sais, c'était un salaire de 10 000 $ par année, là, puis c'était pas payé cher de l'heure. Six boulots, non, hein? Puis après une saison là-bas, finalement, il faut les conditions, tu sais, quand tu travailles avec un salaire de crève-faim, mais j'ai décidé de quitter là-bas, puis je suis revenu travailler comme, faire du remplacement, puis travailler en éducation physique au séminaire Saint-François. Pendant un an où ce que je coachais les unités spéciales au SSF. Puis en plus de ça, j'étais comme quasiment à temps plein avec les profs au SSF. Ils ont, je pense, 17 à 21 journées de congé par année. Donc, il y a beaucoup de profs qui demandent des journées de congé. Fait que tu te retrouvais souvent avec 24 périodes par semaine. Fait qu'à partir de... Donc, ça fait des bons remplacements, ça. Ouais, j'étais comme... Surtout après 2-3 ans aussi que j'étais comme en top de liste. Là. OK. C'est intéressant, là. Pas mal plus intéressant que le 10 000 piastres par année pour faire des heures de fou, là. Ouais, ouais, mais tu mets des heures pareilles, mais tu sais, ça a été un ajustement pareil d'une saison où c'est que t'as le contrôle, t'es commentateur défensif, là, t'en retournes à un autre endroit, puis t'es juste coach d'unité spéciale, coach du porteur de ballon, tu sais, c'est pas la même chose, là. Mais en même temps, tu réussis quand même à avoir Je réussis à un emploi qui permet de, tu sais, bien vivre, tu sais, c'était pas un... de vivre correct, là. Excuse-moi, Philippe, j'ai fait clipper ton micro parce que tu respires très fort. Ah oui, je suis pas mal placé, je pense que c'est comme trop... Alors, je vais me déplacer, OK, Charlie? Je m'excuse à nos auditeurs parce que j'ai rouvert le micro à Philippe à la dernière seconde, ça a fait un gros burp. Excuse-moi, je me suis replacé, je vais arrêter de respirer dedans, je vais être mieux installé. Là. Je vais être trop confort. T'étais sur le bord de t'endormir, toi, là, hein? T'étais sur le bord de t'endormir. T'es sur le bord de t'endormir. Ben, je vous écoutais, je suis trop attentif, au contraire. Coach des unités spéciales au séminaire Saint-François, ensuite? Ensuite, c'est ça, j'ai fait comme une saison là-bas. La saison suivante, j'ai coaché, je suis rentré à Garneau. Où est-ce que je coachais, je suis encore au séminaire Saint-François comme intervenant. Puis je coachais aussi... aux élans de Garneau comme coach de demi-défensif. Donc, j'arrivais le matin à 7h30 au SSF, puis je travaillais toute la journée comme intervenant là-bas, surveillant du midi, pratique de 4 à 6 à SSF, pratique de 6h30 à 8h30 à Garneau. Et le programme de Garneau était pas vieux à ce moment-là, non? Ça, c'est en 2000... C'est 2006... 2004. 2004, hein? Garneau a commencé en 2001, je pense, dans le 3. C'était encore des premiers balbutiements, un peu, là. Ouais, mais Garneau avait commencé en 90, je pense qu'il a gagné le Bol d'Or 2A en 2000. C'est vrai. Il était monté en 2001 dans le 3A. C'est vrai. Non, puis c'est ça, cette année-là, en plus, je jouais dans le senior durant l'été, puis je m'étais fracturé le péroné en spirale. En spirale. Ouais, donc tu prends un os de poulet, tu le tournes genre en le twistant, puis ben, c'est ça qui t'arrive à mon péroné. Ah! J'étais chanceux, j'avais encore des contacts avec François Marquis, l'orthopédiste de Rougéard. Oh! Il me réparait le péroné, mais j'ai quand même eu 2 mois dans le plâtre, 2 fois opéré en l'espace de 3 semaines. Mais c'est deux. Tu fais pour te laisser comme ça en jouant au football? Là, tu parles de. Mais j'ai fait. Jouais porteur de ballon dans le senior. Okay. J'ai fait une cote. Puis en faisant. En baissant mon centre de gravité. Puis faisant mon changement de direction. Il y a un demi-défensif qui est arrivé de côté. Donc en même temps que je suis en plein poids sur ma jambe, il y a un autre joueur qui est arrivé de côté. Puis j'ai entendu le crack. Ça n'a pas fait mal. Sauf que quand j'ai. Lever la cheville, le pied, il était comme. J'étais spaté. Pour ceux des gens qui connaissent pas spaté, c'est du tape par-dessus les souliers. Ouais. Puis le pied ballottait dans le tape. Fait que là, j'ai crié physio. Hey, qu'est-ce que j'espère. Moi, j'aurais crié maman. J'aurais mais pas ça crié a pas fait physio. Mal, comme tu sais, ça a été aucune douleur. C'est... Après, c'est des 2 ans de douleur, là, mais. Ouais, c'est ça, parce que, ben, justement, quand on a joué ensemble à Boston en mois de juin, ça n'a pas été facile, là. Non, ça n'a pas été facile, mais j'avais encore, tu sais, comme. Je suis jamais revenu à 100%, là. À froid, j'ai peut-être. Je pense, normalement, tu as 7 à 8 cm d'amplitude dans ta cheville, puis moi, j'en ai peut-être 4 ou 5, là. 6 boulots. Ça n'a jamais repris. Donc, cette saison-là, je coachais. J'étais cassé la jambe durant l'été, donc mon premier mois de la saison, je coachais en béquille. C'est le fun, ça coachais, fait des beaux gestes aux arbitres avec les béquilles. J'étais assis dans les pratiques des fois sur une chaise, puis j'ai passé la moitié de mon automne en béquille, puis après ça en canne. Donc, tu sais, ça a été un automne très dur. Déjà que t'es pas fonctionnel physiquement, tu coaches à 2 endroits, donc... Ça va, après cet automne-là, je me suis dit que j'allais jamais coacher à 2 places en même temps. Émotivement, c'est dur, là, tu te draines une pratique, faut que tu tords. Parce que je veux pas, tu sais, j'étais un petit peu, ceux qui se souviennent de moi comme joueur, mais j'étais un gars enthousiaste. Mais je coach de la même façon, toujours, crinqué à fond, fait que ça vide un petit peu. Effectivement. T'as décidé après ça d'aller prendre un peu d'expérience aussi, d'aller faire un tour en France? Oui, j'ai eu un de mes amis qui a joué avec moi à Laval, Francis Boivin, lui, il avait eu un contact pour aller jouer à Cannes, sa Côte d'Azur, puis il cherchait un coach à temps plein. J'avais déjà voulu aller jouer en France. Ça se prend bien, hein? Ça se prend bien, puis en même temps, eux cherchaient un coach qui voulait s'occuper offensive, défense, qui avait comme le contrôle complet du programme, puis quelqu'un qui faisait juste ça. Fait que moi, François, on est parti, puis on a réussi à convaincre Danny Jacques de venir là-bas, parce qu'on avait le droit à 2 imports sur le terrain en même temps. OK. À partir de là, moi, dès que la saison de foot a fini à Garneau, mi-novembre, je suis parti à Cannes le 7 décembre. C'est l'Iron Mask à Cannes. L'Iron Mask à Cannes, l'équipe qui a été une puissance des Jacques Dussault, Danny Machuchon, coaché dans les années 90 là-bas. OK. Puis, il y avait redescendu en Division 2, restructuration comme du programme. Puis, donc c'est ça, moi, puis Francis, moi, je suis arrivé le 7 décembre, Francis et Danny sont arrivés genre 1er janvier pour Danny, puis Frank est arrivé 4 jours avant la première game. Et si boulot, hein? Le 7 janvier, là. Ça ressemble à quoi, le football, là-bas? Je te dirais que c'est comme, en tout cas, en Division 2, c'était comme un mélange un petit peu de... C'est comme si tu mélanges les Monarques... avec l'Université Laval, okay. Puis tu mets un melting pot de plein de types de joueurs ensemble. Tu sais, il y a des gars à Cannes là, qui auraient pu être partant à Laval, puis il y avait d'autres gars qui auraient été partant avec les Monarques. Puis tu as des gars, comme on avait un receveur qui courait 10-4 au 100 mètres, mais il y avait des mains de béton. Mais tu sais, il y a des athlètes, là, dans il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes, mais il manque de structure, il manque beaucoup de au niveau technique, sont en arrière. Parle en avant de ton micro, Pat, ça va m'aider. Merci. Financièrement, aller là-bas, non? Financièrement, c'était quand même intéressant. Tu vois, nous, dans le temps, on faisait quoi, je pense 500-600 euros par mois. Okay. Deux repas par jour dans des restaurants quand même assez gastronomiques. Okay. Puis on avait un appartement payé qui était à 100 mètres de la Croisette. On allait dîner au restaurant à côté de, donc on se levait, on allait dîner au resto, puis après ça, je passais l'après-midi à la plage qui était à 5 minutes de marche de chez nous. Qu'est-ce que la Croisette? Ça fait longtemps que j'ai un film qui s'est rendu à Cannes, donc j'ai aucune idée. Okay, de quoi la Croisette, c'est comme la rue là, du festival, la grosse rue à Cannes. Okay. Comme la Sainte-Catherine de Cannes. Là. La Maine. La Maine, exact. La vie des gens riches et célèbres. Non, j'ai une vie. Okay, Cannes, c'est pas une ville, c'est comme tout le monde pense que c'est le gros jet set là-bas, mais c'est une ville qui est comme le parti où c'est le palais des festivals, tout ça qui est riche, mais le reste, c'est comme toutes des banlieues alentours. Puis non, c'est quand même spécial comme place. L'eau, elle nettoie la ville 4 fois par jour, puis l'eau qui nettoie la ville est parfumée. Je pourrais te dire l'argent qu'ils mettent dans la ville. C'est le boulot. Nous, on était une équipe division 2, puis on avait un budget de 80 000 euros par année. À l'ancienne Lorette aussi, elle est parfumée, mais elle sent la merde. Oui, c'est ça. c'est sérieux, c'est du budget? C'est-tu parce qu'il y a beaucoup de monde ou c'est des partenaires financiers? Non, c'est la mairie qui subventionne le club. Là. Tu sais, nous autres... on manquait de rien, on voyageait on avait, mettons, 26 joueurs, des fois dans l'équipe, on voyageait en minivan, puis on était sur la route, personne ne payait rien, on était logé à l'hôtel. Tu vois, cette année, depuis ce temps-là, je plug des gars chaque année pour y aller, puis cette année, quand Martin Gagnon a gagné le championnat en Division 2, ils ont fait le voyage à Paris en avion, là. Ah, wow. Ben, d'ailleurs, moi, en fouillant un peu, j'ai fait le tour des Iron Mask. J'ai retrouvé M. Dimitri Gardan, qui joue maintenant pour les Black Panthers. Ouais. J'essaie de l'envoyer à Cannes depuis cette année, mais là, il a de l'avoir des bonnes conditions. Il veut pas bouger sa Côte d'Azur, même si, je dirais, tenons les bains, là, il se passe pas grand-chose, il serait bien mieux à Cannes. Non, mais il est pas loin des Aiguilles du Midi, quand même, à tenons les bains, n'est-ce pas? Ça se peut-tu? C'est pas loin de Chamonix, on parlait à Martin Bédard, pareil que c'était une dompe là-bas. Ah oui? Ben, quand on a joué Senior à Montréal, on avait organisé un voyage pour aller jouer à tenons les bains et contre les Dauphins de Nice aussi. Les gars ont mangé une raclée, les gars de Montréal. Malheureusement, on n'a pas pu faire la voyage. Ouais, oui, c'est vrai. C'est jamais une bonne idée, même si... manque de structure en France, il y a des bons athlètes quand même. En fait, c'est ça, c'est que je pense que tout le monde qui était allé là-bas avait pris ça un peu à la légère en se disant, bon, puis je pense que c'est un peu l'image qu'on a, on s'imagine que bon, c'est un peu comme le hockey, ils savent pas jouer à ça. Mais non, je dirais qu'il y a du bon niveau, il y a des bons joueurs, des bons athlètes, mais c'est pas toutes les équipes qui sont structurées. Tu sais, nous autres, je vais toujours me souvenir, ma deuxième game, on arrive contre une équipe qui était comme bien cotée. Corps arrière, il sortait comme... il n'y avait pas de coach. Puis corps arrière sortait des jeux, comme une feuille de papier de son pantalon entre chaque jeu dans le rôle. Là. Tu sais, c'était comme... j'étais là, OK, là, moi, je suis prêt. Je fais du vidéo pendant toute la semaine. Puis 2 semaines, me préparer contre un gars qui sait même pas ses jeux. Qui, là, j'étais comme, là t'es, on est en business. Mais tu vois, cette année-là, on a eu donné 37 points contre puis 473 points pour... Okay. Dans les deux games de playoff, on a fait quasiment 100 points, puis on avait à demi de la finale nationale, c'était 45-7, puis c'était un gars qui, dans le fond, c'était 45 à Gitan, parce que le corner, qu'on surnommait le Gitan, mais lui avait décidé qu'il prenait pas son deep sur le dernier jeu de la demi sur un Hail Mary. Tout le monde y avait dit, il l'avait pas pris, fait que c'était 45 à Gitan. Ah, c'est bol. Hey, tu reviens de la France, tu retournes à Garneau. Là, ça fait c'est ta troisième année comme être coach, oui, à Garneau? Ça, quand mais je suis retourné à Garneau, j'étais encore coach de demi-défensif. Oui. Puis j'étais responsable du suivi académique des étudiants athlètes en même temps. Ah, nice. Donc, c'était comme un à côté, là, comme pas un temps plein, mais tu sais, je voulais plus comme. Je travaillais encore un petit peu au SSF, j'étais parti pendant l'hiver, donc j'avais plus vraiment de période, pour une couple de période, mais tu sais, j'étais vraiment comme, bon, à vrai penser, j'étais plus au SSF pantoute, dans le fond, c'était comme le salaire d'une demi-année, mais sur un automne, plus le coaching, puis ils s'enlignaient pour me trouver des à côté. OK. Là. Puis là, c'est ta troisième année à Garneau comme être coach. Durant cette saison-là, à la fin de la saison, ils ont congédié l'entraîneur précédent. Oui. Puis moi, j'ai postulé pour le poste. Puis j'ai eu le poste en janvier de l'année suivante. Là. On retrouve beaucoup. Il me semble, dans les dernières années, là, on a beaucoup de coachs au collégial 2A ou 3A qui sont très jeunes. Regarde, t'es pas vieux, Pat, là. On s'entend. 32 ans, là, j'ai l'air plus jeune que je suis. Non, mais c'est quand même jeune quand tu regardes ça pour un head coach au collégial. Il y en a beaucoup, je pense, justement, une nouvelle génération de gars qui ont joué leur football. Mais tu vois, il y a peut-être la vieille garde qui a maturé, qui a comme monté au niveau suivant, ou des gars qui ont arrêté, puis je veux pas, les gars des dernières années, le football a tellement changé depuis 10 ans. Puis les ceux qui se retrouvent maintenant dans le marché, c'est des gars qui ont été bien formés, puis qui font les choses comme il faut aussi, là. Parce que c'est rendu comme nous, en collégial 3, on est 4 programmes sur 7 qui ont des coachs à temps plein. Puis, tu sais, dans le temps, il y a 10 ans, à l'université, ça a commencé, puis collégial 3, c'est depuis 3 ans là, qu'il y a des coachs à temps plein. Même dans le 2A, il y a des coachs à temps plein. Tu vois, Marc-André Dion, à SNDF, il est temps plein. Alex Vendette, il est temps plein. Mais beaucoup des coachs qui sont en 3 dans le 2A, c'est des anciens de Laval. Là, ben c'est oui, des beaucoup. Crédits aux entraîneurs qui nous ont bien formés, là. Puis, ça veut dire maintenant que toi, t'as envie, là. Oui, moi, je vis à temps plein de ça, là. OK. Fait qu'il y a possibilité de faire une belle carrière de coach, même seulement, je dis seulement, au collégial directement, là. Ouais, puis il y a même des programmes, tu sais, juvéniles qui commencent à avoir des postes à temps plein dans le juvénile 3, là. La culture, lentement, mais sûrement, ça s'en va vers ça, tu sais. C'est sûr qu'on est à des années-lumière, là, des conditions qu'ils vont donner à des coachs secondaires au Texas. Ou même en Europe, parce que les coachs de club sont payés par l'État. Sauf qu'on commence tranquillement à sortir de la mentalité que c'est le bénévole là, qui va s'occuper d'une équipe de sport. Là. C'est plus qu'arriver une pratique là, sur un coin de table. Là, puis, des fois, quand je parle à des gens, hein, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je coach au foot. Tu peux pas être à temps plein. Hein. Viens faire mes semaines, je fais des semaines de 80-100 heures, puis tout, pendant que tu fais du 9 à 5, moi j'arrive à 7 heures au bureau, puis j'arrive à 9h30 chez nous le soir, puis je prends en faire encore. Si... En plus, tu viens faire des petites émissions comme ça à Laval Fans. Oh, c'est pas grave, c'est relax, ça change le mal de place. Et comment ça se présente cette année, la saison, avec Garneau? Je pense que ça va un bon départ, là. Je crois que ça va très bien, là. On a comme la troisième année du programme, c'est tous des gars que moi j'ai recrutés, que j'ai amenés comme... avec nous, c'est des gars qui fait 3 ans qui font les choses à notre façon là. C'est pas comme la vieille batch qui avait commencé d'une façon, c'est comme 3 ans que les gars sont dans un système offensif, défensif, 3 ans que les gars qu'on recrute, qui ont mis des athlètes aux places qu'on voulait être. Puis non, on est une équipe plus talentueuse que l'année passée. On a perdu en demi-finale là, en troisième prolongation contre Vieux. C'est sûr qu'on était jeune à certaines positions en début de saison. Ça nous a coûté un match à Lennoxville, parce qu'on a perdu 30-23. Mais depuis ce temps-là, on est, présentement, on est 3-1 à la mi-saison. On est première équipe en offensive, première équipe en défensive. Oui, ça, c'est ce que j'allais dire. Là, vous êtes vraiment meilleure offensive, meilleure défensive jusqu'à maintenant. Il y a Lennox qui vous ont battu jusqu'à maintenant, qui sont en haut de vous autres. Mais c'est une solide saison jusqu'à maintenant, là. On est très satisfait, puis, tu sais, on travaille fort pour que ça continue. Puis les jeunes, tu sais, c'est plus la mentalité a changé. Là. Tu vois que c'est des gars qui sont là pour gagner. On a beaucoup de profondeur. Tu sais, hein. On affronte, on en parlait après la pratique ce soir, on affronte notre défensive en scout. Puis on se rend compte que le scout nous donne probablement plus de positions qu'on va avoir en fin de semaine. Là. Ah, on a des frustrations, des looks dans le scout. Puis là, quand tu recheck la vidéo après, tu dis ah, le gars du scout, il nous donne un meilleur look que le gars en 20 semaines. En fait, ça, on joue contre Momo Montmorency. Qui est une équipe qui a commencé avec, je pense, 35 nouveaux gars l'année passée, puis ils s'en vont en bonne direction. Ils sont peut-être à un an d'être compétitifs encore. Donc, c'est sûr que c'est toujours des matchs dangereux pareil, parce que les jeunes, t'es pas sûr comment ils vont réagir. Mais la semaine passée, on avait un match pareil, puis on a gagné 54-3 contre Edouard. Ah, c'est une belle victoire, ça. Ouais, belle victoire. Bonne volée. Oui, exact. Hey, Philippe, moi, mon verre commence à être vide un peu, là. Ouais, okay, ça veut dire qu'il va falloir aller le remplir. Ouais, il va falloir faire un petit break, là. Puis pour faire un petit break, ben, ça nous parle un peu de musique. Yes. Hey, Pat, je t'en ai parlé un peu avant l'émission. J'espère que tu as eu le temps d'y penser un peu. Mais dans les années, là, regarde, l'année de la Coupe Vanier, à peu près, là, je te demande pas d'être exact, mais qu'est-ce que tu écoutais dans le vestiaire? Qu'est-ce qui te craquait? Non, mais tu vois, j'avais comme plusieurs étapes pour me craquer, tu sais, c'est sûr que... Commencer avec Céline Dion, non, après ça, MC Hammer. J'aimais bien écouter des trucs, mettons, comme... un vieux affaire de Nas, You Can Hate Me Now, j'aime ça me mettre dans des tu sais, ou beaucoup d'Eminem, le premier album, tu se mettre un petit peu du côté un petit peu plus dark. Yes. Puis quand on en revenait, mon trip dans le temps, quand je revenais du vestiaire, après le warm-up, je me mettais toujours une serviette sur la tête, je mettais des écouteurs, puis je me mettais le dernier des Mohicans. Oh yes! J'avais une serviette sous ma tête, puis je pensais à rien, puis je faisais juste aller comme la symphonie y aller, puis je me mettais, même si c'est pas quelque chose de craqué, on dirait que ça me mettait dans une autre dimension. Là. Ben Pat, juste pour toi, dernier des Mohicans. Alright, dernier des Mohicans, Pat. Est-ce que t'as le sang dans tes veines qui coule à flot, là? T'es-tu prêt à sauter à quelque part? Puis... Il manquait juste la serviette sur la tête. On peut aller t'en chercher une, si tu veux. Non, c'est correct. Il reste la serviette du chien, il est disponible. On laissait le chien dessus. Ok, c'est correct. Tout bien comme ça. Hey Charlie, là, on est rendu dans notre portion où il faut parler de ce qui s'en vient en fin de semaine. Yes. Bien important. Par laquelle tu as envie de commencer, toi? Moi, j'irais peut-être Concordia Montréal. Oui, ça, ce qui risque d'être probablement la plus grosse game et la meilleure à suivre cette semaine. Tant qu'à moi, là. Oui, probable. Oui. Mais non, c'est parce que moi, j'avoue que j'ai bien hâte de voir aussi Sherbrooke Bishop. Ah oui, le retour. En fait, tu dis ça, c'est sûr qu'en fin de semaine, ça va faire une bonne partie. Concordia a peut-être des choses à prouver. Montréal, eux, après avoir perdu contre le Vert et Or, évidemment, ils se sont bien repris contre McGill. Oui. Là, je pense qu'on va parler d'une véritable opposition, Concordia, qui risque de faire... En tout cas, j'ai l'impression de meilleure figure, évidemment, que McGill. Je sais pas. Moi, cette semaine, pour le pool, là, j'y vais avec Concordia. Parce que, ouais, moi aussi. On va perdu deux fois contre Laval. Je pense qu'on va être un peu frustré. Puis, je sais pas, toi, Pat. Moi, je pense que c'est une game un petit peu de loin, mais je dirais que c'est une game importante pour les deux équipes. Je pense que c'est une game qui va avoir un impact pour le classement pour les séries. Puis, je pense que c'est deux équipes que cette game-là peut lancer leur saison dans vers le haut ou vers le bas. Exactement. Si Concordia se tape une troisième défaite d'affilée, ça va comment, malgré tout le talent qu'ils ont, ça va commencer à moins bien aller. Puis si Montréal perd une autre game qui pourrait gagner, mais le château de cartes, il est fragile à Montréal. Je pense que la confiance qu'ils ont réussi à bâtir cette semaine est facilement ébranlable. Puis non, je pense que ça peut aller des deux côtés, ce match-là. C'est pour ça que ça va être intéressant à voir, parce que c'est vrai que là, chacun, c'est deux victoires, deux défaites. Donc, ça va être comme le point culminant de chacun pour leur saison. Puis, faut pas oublier, Glenn Constantin en a parlé aussi aujourd'hui, un peu en conférence de presse, mais Concordia vient aussi de jouer deux games contre Laval. Glenn en parlait aujourd'hui pour dire qu'il y avait beaucoup d'éclopés dans l'équipe, puis c'était normal parce que justement ils venaient de jouer deux games contre Concordia. C'est la même chose pour Concordia face à Montréal. Ils l'ont pas eu facile. Liam Mahoney a eu mal, il a eu très mal en fin de semaine passée. Ça va être difficile la semaine prochaine. Oui, puis cette semaine. Je ne sais pas si tu l'as sans doute déjà vécu avec Laval, de jouer une partie contre un adversaire que je te dirais que tu vas écraser au tapis. Et la semaine suivante, d'avoir à affronter une équipe qui, justement, peut te donner du fil à retordre, j'imagine qu'en termes de préparation, là, c'est plus dur aussi. Non, de... Ben, c'est que, veux pas, on est des êtres humains, puis même si on voit le vidéo, puis on sait qu'il y a du talent à l'autre bord, mais quand c'est une game facile, mais même si t'es conscient de ce qui se passe, mais des fois, t'as peut-être tendance à laisser les choses aller, puis l'autre va sortir... L'autre, il y a de quoi prouver. Donc, non, c'est jamais des games plaisantes. Là, quand tu joues deux, trois fois le même adversaire dans une saison, là, surtout après une grosse victoire, c'est toujours dangereux. Ouais. Je pense que celle-là, ça va être une dure pour les poulaires. Là. Ça va être fun. Oui, ouais, absolument. Moi, j'ai mis Concordia gagnant aussi. Oui, moi aussi. Dans l'autre partie, qui est celle-là, moi, j'ai bien hâte. En fait, c'est pour ça que tantôt, tu disais c'est la plus intéressante. Moi, c'en est une qui va être d'émotion, parce que la semaine passée, en tout cas, à tout le monde, moi, j'avais été extrêmement surpris de voir Bishop battre le Vert et Or. Puis je pense que le Vert et Or, on a aussi été extrêmement surpris de voir Bishop arriver aussi bien préparé. Là, ben, ça va être le retour, c'est-à-dire qu'ils vont encore être l'un contre l'autre. Personnellement, c'est sûr, je serais toujours tenté de donner la partie à Bishop, mais j'espère pour le Vert et Or qu'ils vont peut-être se remettre d'aplomb un peu. Ouais, ben Sherby, je pense que Sherbrooke a été Sherby. C'est beau. Sherby Moreau. Sherbrooke, je pense qu'ils ont été piqués au vif. Ils ont été piqués au vif, puis je pense qu'avec l'équipe qu'ils ont, ils sont capables de battre Bishop là. Pas facilement, ils sont capables de battre Bishop sans problème, puis ils vont vouloir se reprendre cette semaine, c'est sûr et certain. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut, mais j'ai hâte de voir s'ils ont le mental pour y arriver. Dans le sens où, à un moment donné, c'est le fun avoir des adversaires, les regarder un peu de haut, mais après ça, une fois qu'on tombe à terre, l'important, c'est de se relever vite. Hein? Ça va être un beau test, puis c'est là qu'on va voir si c'est une équipe de gagnants ou une équipe dont on s'apitoie sur notre sort un peu plus. De ton côté, Pat? Je pense que Charlie a bien résumé ce que ce que je pensais. On va vraiment voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, là. T'sais, ils ont une équipe qui ont pas toujours sûr de la façon qu'ils vont se présenter. Ils ont quand même quasiment perdu contre Mount Allison, qui a pas une grosse équipe. Puis, ils ont battu les Carabins. Donc, c'est tout à leur honneur. C'était la game qu'ils ont gagné contre Montréal. Donc, là, cette semaine, on va voir, comme vous disiez, là, voir qu'est-ce qu'ils ont vraiment dans le ventre, là. T'sais, c'est une équipe que, malgré le talent qu'ils ont, c'est-tu des vrais qui sont dans cette équipe-là ou c'est juste une équipe de gars qui vont bien quand ça va bien, là? Parce que je sais que du côté de Bishops, pour avoir vu un peu les choses là-bas quand je suis passé avant le match contre Lenoxville, quand on a joué là-bas, Leroy Blue a rebâti le programme là-bas, puis il commence à avoir des athlètes à Bishops, puis Bishops s'en va dans la bonne direction aussi, donc je pense que Bishops... Il peut apprendre à légère pour Sherbrooke, puis ils prendront pas, ils ont perdu déjà, mais ça va être une bonne game, je pense. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que je pense que moi, ça va être ma petite game coup de cœur que j'ai bien hâte de suivre, là. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, bien entendu. Puis, ben, de mon côté, c'est ça, je vais donner au vert et or, mais en même oui? temps, ouais, mais ça me fait un peu mal au cœur, parce que moi, j'ai un gros faible pour Jamal Lee. Ouais, hein? Je l'aime comme athlète et comme individu aussi. Toi, Charlie, tu as eu la chance de le rencontrer, mais oui. Jamal Lee, je pense que c'était quand même... C'est tout un bonhomme. Écoute, on se rend compte que ce gars-là, c'est pas juste un gars qui est capable de courir avec le ballon. Là. Il est capable de... Il a de la jasette. Il n'est pas au football universitaire pour rien. Là. Il est vraiment tout un bonhomme. On l'avait rencontré l'année passée en après-match. Là. Il a fait tout un job. Puis, ben, le dernier match, bien sûr, qui nous intéresse. Et non le moindre. Oui, Laval-McGill. Friday Night Lights. Oui. Au stade Percival Molson. Oui, puis ça va être le fun. Tu t'es présenté à RDS aussi. Yes. Yes. Fait que ça aussi, ça va être une belle occasion. Ben, beaucoup de choses pour ce match-là, ouais, premièrement. Excuse-moi, t'es allé à la conférence de presse. Oui, je suis allé manger des sandwichs, pas de croûte. Non, c'est pas vrai. On mange très bien. mais les gars, je m'attendais pas à avoir une grosse conférence de presse ce midi, mais finalement, il y a eu beaucoup de stock qui est sorti, beaucoup de stock qui est très, très, très, très intéressant. Ben, premièrement, on sait que Matt Connell, c'est un corps arrière qui passe beaucoup le ballon, très, très agile sur la longue passe. Alors, ça va être un très bon défi pour la tertiaire. Vraiment, là, ça va être un excellent défi pour la tertiaire. Elle va être testée beaucoup. Elle a déjà été testée pas mal, mais là, ça va être un gros test. Matt Connell, là, si je regarde les statistiques rapidement, là, je pense qu'il y a quelque chose comme 365 verges quasiment par match. Par match. Il y a un pourcentage de réussite assez élevé aussi, 65%. Ouais, 65%. C'est rien à côté de Benoît Gros à 76 et César à 76.9 aussi, là, mais quand même. On a un average par game là, de 365 verges qui est vraiment pas à négliger, mais... Sauf que je pense que la seule chose qu'ils font, c'est est-ce qu'ils ont une attaque au sol? Zéro, puis une barre. 98% de leur travail, il y a toujours ça. Même, je te dirais que moi, ben toi qui as joué Maroulan, moi je trouve ça surprenant, même que le gars soit capable de faire autant de passes, autant de longs jeux, parce qu'il me semble qu'à chaque jeu, on s'attend toujours à ça. Mais tu sais, si eux autres, c'est leur philosophie, c'est leur identité, ils doivent que faire ça à l'entraînement, donc c'est sûr que c'est des choses qui sont à l'aise, puis ils recréent, ils réussissent bien, donc c'est du timing, puis ils ont des looks qui souvent, quand je pense qu'il faut chercher les gros jeux, c'est des looks qu'ils revoient, puis ils s'attendent à ça, sauf que je pense que leur front, ils sont pas rendus encore au point parce que leur front offensif peut rivaliser avec le front défensif de Laval. Je pense qu'il va avoir des animaux sur le dos toute la game. Oui, puis ça justement, Glenn Constantin en a parlé ce midi, puis il dit que c'est ce qui risque de jouer un mauvais tour un peu à McGill, c'est justement leur manque d'effectifs, leur manque de profondeur un peu à chaque position. Ils vont avoir des gars fatigués justement qui vont avoir des animaux sur le dos toute la game, mais après quatre quarts, là, après trois quarts, là, les gars vont être brûlés. Puis la tertiaire de Laval est quand même athlétique, là. Il y a des gars de talent là-dedans. Très bon bonhomme là-dedans. Y a-t-il des changements, Charlie, sur la tertiaire de Laval? Justement, y a-t-il des blessés, des gens qui vont changer de position, entre autres? Oui, ben... Glenn... Oui, ça, c'est un peu fort. Alright. Oui, peut-être que ça se peut que ça bouge un peu entre Jonathan Laliberté et Sam Lajoie. Jusqu'à maintenant, Glenn n'était pas... n'était pas entièrement satisfait du travail de Jonathan depuis le début de la saison. Donc, ça se peut qu'il y ait du mouvement dans ce coin-là. Ça bouge un peu, mais autrement, il n'y avait pas de blessé autre que ça sur la tertiaire. Ouais, je voulais y revenir un peu vers la fin. Excuse-moi. On va faire le tour de l'infirmerie après. Oui, d'accord. Oui, c'est correct. Ensuite, non plus sur le plan de match que Justin parlait un peu contre McGill, comme c'est pas une équipe qui a une grosse défensive contre le sol, on aurait tendance à penser que Justin, dans son plan de match, voulait essayer de faire débloquer sa course au sol. Et on va le voir vendredi soir, mais Justin s'attend pas à jouer un football différent de ce qu'on a joué depuis le début de la saison. Justin expliquait vraiment que on va se concentrer sur notre football, beaucoup de passes, de la course, quelques courses intéressantes, mais un jeu quand même assez bien équilibré là, de leur côté. Là, on va pas essayer la course à outrance pour essayer de débloquer la course là sans. On veut pas courir pour rien. Moi, c'est vrai, ça m'étonne un peu, ça. Je sais pas, t'allais poursuivre, mais... Mais non, moi, je pense que Justin fait une très bonne job de balancer les choses, puis de prendre ce que la défensive adverse lui donne, de toute façon. Puis je pense que si la défensive de McGill, au sol, a de la difficulté, puis Justin jouait du football à 4 essais, sûrement qu'il en prendrait plus avantage. Mais quand tu as du football à 3 essais, mais tu peux pas juste courir, tu sais, tu peux. Je pense que t'as pas le choix de continuer dans la ligne ce qu'ils font. Puis je pense que c'est sûr que quand il va vouloir balancer avec son jeu au sol, il va avoir plus de succès. Puis il va peut-être avoir autant de résultats en faisant les choses qu'il fait bien présentement. Ouais, effectivement. Le fait du football à 3 essais, effectivement, ça fait toute la différence au monde. Puis, en plus, par exemple, ce qu'on risque de voir en fin de semaine, c'est peut-être différents joueurs à la position de running back. Présentement, l'homme de confiance est Alar Cameus, mais Justin me l'a bien dit aujourd'hui, il n'y a pas personne qui est assuré d'une place, il n'y a pas personne qui est assuré de son poste. C'est un poste qui est quand même ouvert. Il y a de l'ouverture, alors ça se peut qu'on voie. Moi, j'aimerais bien ça voir Guillaume Sincal, Max Bellin aussi. C'est ce que j'allais dire, on a quand même une belle recrue. Ah oui, hey, numéro 1. D'ailleurs, Pat, moi j'ai une question. Max Bellin, Dwayne John, Pat Bois, faut-tu mesurer 4 pieds 9 pour avoir le numéro 1? Le chandail, est-tu si petit que ça, coudon? Bonjour, justement. Non, c'est plus 5 pieds 8, 5 pieds 9. Ah, ok, là. Ok. Je te niaise. Non, mais c'est peut-être. Non, c'est vrai que présentement, tous les numéros 1 de Laval, depuis moi, ils n'ont pas été super grands non plus. Mais je pense que Max est plus grand que moi et Dwayne. Ouais, Max a quand même une ouais, il est 5 pieds 9 top. Ça, ouais. Ouais, c'est ça. Un pied de plus. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Oh, ben, grains, ils ont tous bien pris leur place. Ah, effectivement, le numéro 1 a toujours été numéro 1. Pour avoir coaché Max au secondaire, j'avais coaché à Simon Saint-François là, avant qu'il aille jouer en Beauce. Puis c'est un gars très déterminé, un gars très athlétique. Puis c'est un compétiteur. Là, donc je suis content de voir qu'il fait sa place à sa première année. C'est le type d'individu là, que. Ils ont entre les mains, là. C'est un vrai, là. Ça te surprend-tu de le voir performer comme ça sa première année recrue universitaire? Mais c'est un gars super athlétique, c'est un gars super polyvalent, il est capable de jouer les deux côtés de la balle. À Laval, il se peaufine comme porteur de ballon. Mais, tu sais, c'est un gars qui a tellement de potentiel puis de talent que s'il y a une chance, mais c'est sûr que lui, il va faire tout le temps son possible pour la rater. C'est sûr que s'il était dans une situation où il n'y avait pas de chance, je te dirais non. Mais c'est un gars que si tu lui donnes la chance, mais il va faire des belles choses, là. Jusqu'à maintenant, il a bien réussi à chaque fois qu'il y a eu le ballon. Je pense que, je sais pas, Charlie, si tu as les statistiques devant toi. Oui, Max Bellin, j'ai ça. Depuis la saison, je te dirais qu'il n'a peut-être pas eu énormément de fois le ballon, mais à chaque fois qu'il a eu à le porter, il me semble qu'il a fait des beaux gains. Tu te retrouves ça, là, je te pose. Moi, c'est un peu loin, un peu dans ma paperasse. Philippe, moi, je serais avec toi, justement, on en parlait un peu tantôt, un petit tour d'infirmerie. Oui. Louis-David Gagné ne sera pas habillé en fin de semaine. Louis-David s'est blessé contre Concordia en fin de semaine, donc il ne sera pas en uniforme. Par contre, on a le retour de Mathieu Parent et enfin Sam Laveau. Le fameux Sam Laveau. Le fameux Sam Laveau. Je peux vous dire que vous ne serez pas déçus pour l'avoir eu d'impact pendant deux ans. Ouais, c'est tout un homme. Fatigant. Ouais. C'est un joueur de football, là. Un joueur complet, un joueur physique, un joueur athlétique, un gars rapide. Non, J'ai hâte de le voir sur le terrain aussi. On a entendu beaucoup de belles choses à son sujet. Il y en a plusieurs qui l'ont vu collégial. Il a créé beaucoup d'attentes. Oui, oui, oui, effectivement. Il avait fait Oli, là, que je me rappelle au début, qui avait créé un buzz, là, mais là, l'autre buzz, là, c'est Sam Laveau cette année. Là. Je pense que tout le monde a hâte de le voir. Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Oui, il devrait être là. Et on le souhaite. Et un cas qui est incertain pour le match, c'est le 80. Laurent Lavigmans, c'est toujours incertain pour sa présence contre McGill. Bon, alors on va espérer que... Je pense que Laval, avec la profondeur qu'ils ont comme receveur, je pense que... Il devrait, là, autant que Laurent, c'est un grand joueur, puis tu sais, c'est un gars qui va jouer pro plus tard, mais ils sont tellement talentueux à cette position-là que je pense qu'ils vont pas vraiment s'en ressentir. Ah, ben, je pense que le premier match, on avait essayé justement 10-12 receveurs différents, là. c'est l'embarras du choix pour un corps arrière à ce moment-là. Oui, puis, plus avec la qualité des trois corps arrière qu'on a. Avec Gros, Sanchez, Prudhomme. Côté profondeur, là, ça fait plusieurs fois déjà qu'on en parle. Là. Mais Laval... On n'est pas à plaindre. Non. Sûrement pas. Êtes-vous aussi bien équipé du côté de Garneau en termes de profondeur? Je dirais qu'on commence à être très... avoir beaucoup de profondeur. Pour son corps arrière, on est trois corps arrière pour être partant collégial 3 cette année. Là. Ça va bien, vous autres aussi, au niveau du recrutement? Là, je pense à ça, mais je veux dire, ça... Non, on travaille fort depuis 3 ans. Je te dirais qu'on commence à garder les gars qu'on veut. Puis, tu sais, on n'a pas perdu grand-chose dans les dernières années, là, depuis la première année, là, cette année puis l'année dernière. Non, on est très satisfait des recrues qui rentrent à Garneau, qui vont sûrement se rendre à Laval par la suite. Ben c'est ça, Charlie. Tantôt, ben là, peut-être que tu avais déjà ton quelque chose que tu voulais rajouter. Non, non, vas-y, on vas-y. On voulait parler un petit peu de... ce qui avait été apporté des gens de Garneau dans l'Université Laval, c'est-à-dire des joueurs qui ont justement joint l'équipe cette année. Je pense que il y en a 8 de Garneau cette année qui viennent d'arriver avec Laval. Exact. C'était cette année, il y en a 8, puis je ne sais pas le calcul exact, mais je pense que c'est quasiment un quart ou un tiers là, des gars qui sont à Laval, c'est des anciens de Garneau. Charlie pourrait plus me dire le nombre exact. Là. J'ai pas fait le calcul, mais c'est pas important. Non, c'est pas important là. Mais je pourrais le faire, ça va être long. Non, mais c'est, on y pose des bonnes questions. c'est sûr qu'on a quelques gars qui ont fait des belles choses chez nous qui sont habillés dès leur première année à Laval. On en est très fiers. On a des racines un petit peu, la plupart des coachs, on a été coachés à Laval, donc on a des influences, fait des choses qui sont similaires, donc nos gars sont toujours bien prêts quand ils arrivent à Laval. C'est sûr qu'il y en a, je peux pas, entre autres Mathieu Bouvette, là, qui a un bon début de saison, là, une première game de tonnerre, là, à, je pense 5-4, 95 verges. Oui, c'est ça. Puis sinon, il y en a d'autres qui se démarquent quand même, là, je pense, la ligne défensive, t'as Jonathan Drolet, puis qui a vu du temps de jeu, Guillaume Mars également, qui a surpris des gens qui devaient pas être habillés, qui étaient sur le terrain la semaine passée. Il y en a d'autres également, là, mais non, les gars, des bons kids qui sont rentrés à Laval. Vous êtes une belle pépinière, parce que il me semble que là, c'est le fun de voir que justement les gens de l'Université Laval vont les chercher directement dans leur cours ou à peu près. Là. Mais c'est sûr que de Laval a tellement eu d'impact dans la région depuis la première Coupe Vanier. Je pense que moi, quand j'y jouais, il y avait peut-être 10 programmes juvéniles, puis présentement, il y en a 45. Ça a monté aussi vite que ça. Hein? Ouais, toutes les équipes ont perdu du football. Aïe, donc, c'est sûr que. Puis, tous ces jeunes-là, quand ils ont commencé à cause de Laval. Tous ces jeunes-là, ils voient Laval comme Michigan. Donc, même si les gars, je donne un exemple, dans le temps, quand je coachais Olivier Turcotte des tourneaux, tout le monde le courtisait, tout le monde le voulait. Puis, ça a pris un appel de Glenn. Je m'en viens. Les gars, c'est leur rêve. C'est rendu un rêve pour les kids de Québec de jouer à Laval. Là. C'est rendu gros. Là. Plus gros que nous autres. Nous, des fois, en tant qu'anciens, c'est comme, pourquoi ils ne regardent pas ailleurs? S'ils allaient, mettons, à Montréal, Sherbrooke, ils seraient partants cette première année, ils vont faire 3 ans sur le banc. Mais les gars, comme Laval me recrute, c'est comme the place to be. Là. Mm-hmm. C'est bon, ça. Hey, Philippe, je pense qu'on achève, là. Ben oui, ça, mine de rien, là, encore une fois, on fait énormément de placottes et tout. Puis moi, avant que ça se termine, Charlie, oui. J'ai une chose que je veux dire par rapport au tailgate. Yes. Tu sais, hein, faut toujours que je parle de tailgate. Ben oui, il faut certain. Cette fois-ci, j'ai pas de produit étrange ou quoi que ce soit. Mais La semaine passée, on a rencontré des gens du Booster Club qui préparent justement encore un petit concours de chili. Yes, le concours de chili! Exactement. Je ne sais pas si c'est au prochain tailgate ou à l'autre, mais c'est pas grave. Passez par le site web, on pourra vous en tenir informé. Mais d'ici ce temps-là, pour faire bonne figure, pratiquez vos recettes de chili. C'est le bon temps. Fait que je ne sais pas, Charlie, si toi, tu as envie de participer cette année, là, mais... Oui, avec nos gars du charcoal, là, c'est sûr qu'on va trouver quelqu'un qui va nous faire un excellent chili, c'est sûr et certain. On l'espère bien. Moi, un petit dernier message. Notre chum Fred Munger, aujourd'hui, anciennement du 93, fait une excellente émission. Malheureusement, pendant qu'on se parle, c'est en onde à Télévague, mais allez voir sur le site web. L'émission s'appelle MaximumSport.tv. Et il se produit lui-même. C'est vraiment un super beau produit. Le site web est très intéressant. Vous pouvez regarder les émissions aussi en ligne directement. Les capsules là sont directement en ligne. Maximum Sport s'est donné comme mission de couvrir le sport local. Alors, c'est sûr qu'ils vont aller faire un tour aux élans. Ils sont souvent au Rouge et Or. Ils vont suivre les remparts. Et particulièrement ce soir au Rouge et Or, ils font une capsule sur un profil sur Justin Thier. Un gros 10 minutes. Sur la dernière game contre Concordia, et Justin s'est prêté au jeu jusqu'au bout, full mic'é, micro et tout. Alors on entend ce qui se passe sur le banc, son côté bouillonnant, on va le voir aussi, plus les discussions avec le deuxième étage un peu en haut, là, comment ça se passe. Alors ça devrait être très très très intéressant. Allez sur le site, les heures de diffusion pour les reprises sont là aussi, donc ça vaut la peine là, d'aller voir ça. Puis good job à Fred. Là, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant sur le site, c'est leur troisième émission cette semaine. Ce que j'ai vu sur le site est très, très, très intéressant et très bien produit. Bon, ben écoute, on va prendre la peine d'aller voir pour justement se mettre dans le beat encore plus. Yes. Écoute, merci Patrick de t'être prêté au jeu avec nous avec la Valfans. Merci pour l'opportunité, c'était très plaisant comme expérience. Hey, on a une chose à te souhaiter, nous autres, un bol d'or. C'est sûr qu'on travaille pour ça. Good. Bye-bye à tous, à la semaine prochaine. Et sur ça, n'hésitez pas à aller réagir comme toujours sur le forum si vous avez des bons mots, des bons commentaires, des suggestions. Hey, tente de la renommer, on veut encore des noms. Alors, on va en avoir besoin. Ciao.